Je circule sur une route de montagne particulièrement étroite. Les signaux sonores ne sont autorisés que pour donner les avertissements nécessaires aux autres usagers, comme c'est le cas ici, puisque dans ce virage, la visibilité est pratiquement nulle. Je klaxonne pour signaler ma présence et je ralentis pour éviter de me faire surprendre par un autre usager. Réponse A et C.